Le rassemblement consacré au 60e anniversaire de la fondation de l'Atelier des Beaux-Arts Cinématographiques et Scéniques a eu lieu le 24 courant sous la participation des officiels intéressés et du personnel de l'atelier. Au rassemblement, le message de félicitations du Comité central du Parti Travail de Corée a été remis au personnel. Le Comité central du Parti Travail de Corée a noté dans son message que ces 60 derniers ans marquent l'histoire glorieuse de l'Atelier des Beaux-Arts Cinématographiques et Scéniques qui a développé à la coréenne les équipements et matériels nécessaires à la création suivant fidèlement la politique littéraire et artistique originale de notre parti sous la direction énergique du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et contribué parfaitement à la création des œuvres monumentales de l'époque du Parti du Travail. Il a apprécié haut les mérites du personnel de l'atelier qui a fait une grande contribution à l'accomplissement de la politique littéraire et artistique du parti. À la suite du rapport, il y a eu les interventions.